un samedi ou un dimanche, un samedi et un dimanche, à Soyagambad, d'une rencontre à l'autre, je vous invite à retrouver l'émotion, le plaisir, le rire et le sérieux des rendez-vous littéraires de l'été des 13 dimanches. Donc je parlais de notre ami à tous, Daniel Morvan, l'épouse d'Alain Rey. On va commencer par l'actualité de la presse. Parce que pour ceux qui lisent Le Monde, et pour ceux qui ne lisent pas Le Monde, il faut lire Le Monde de ce week-end, il y a une pleine page sur l'aventure du Robert. L'aventure d'Alain Rey, qui a commencé avec Alain Rey. Dans quelles années ça a commencé Voilà. Et qui se continue parce que... Tu pourrais peut-être nous dire un peu quelques mots, c'est l'actualité qui fait ça, de l'histoire de ce Robert que personne ne connaît vraiment. Vous voyez, les spoliés du Robert, qui a été à l'initiative du Robert, qui continue à alimenter le Robert. Et donc l'article d'ailleurs se termine donc par un hommage, le concours décisif de Daniel Morvan, qui continue à faire vivre le Robert aussi avec d'autres dictionnaires, comme l'histoire, le dictionnaire culturel. Donc peut-être quelques mots sur l'histoire, c'est une histoire tellement impressionnante. Qui connaît ici l'histoire du Robert? On va voir si vous connaissez tous, on va passer à autre chose. Mais qui connaît l'histoire de Robert? Il y a Daniel Morvan, c'est tout. Donc il y a une personne sur 400 personnes qui connaît l'histoire du Robert. Donc, premier roman de l'après-midi, le roman du Robert. En quelques mots, c'est un roman à la fois intellectuel et un roman d'entreprise. Du côté entrepreneurial, comme on dit assez mal aujourd'hui, le Robert est une invention d'un monsieur qui s'appelait Paul Robert, qui vivait en Algérie, qui avait passé une partie de son adolescence à Paris, qui était bien né, qui était aisé, qu'un père riche, etc. Et qui a trouvé intelligent de sacrifier un petit peu une carrière qui lui était toute préparée dans la culture des agrumes, parce que son père avait des champs d'orangers très très importants dans l'Algérie alors française, et qui s'est mis tout d'un coup, par une espèce d'intuition étrange, à se lancer dans la description des mots, d'abord pour des raisons techniques, de terminologie, de son domaine, et ensuite parce que la chose l'avait tellement accroché qu'il a voulu en faire l'objet d'une part de sa vie et d'autre part d'une entreprise. Donc il a fondé une maison d'édition qui avait cette particularité étrange, c'est qu'elle n'avait qu'un livre à vendre, qui était le futur dictionnaire analogique et alphabétique de la langue française, et que ce dictionnaire n'était même pas fait. Il était donc faire vivre une entreprise avec un objet fictif qui est projeté dans l'avenir et unique en plus, c'était évidemment impossible, et tout le monde, y compris ses premiers collaborateurs dont je faisais partie, était persuadé que ça allait se finir par une faillite et un rachat par un éditeur qui était d'ailleurs tout à fait désigné, mais je ne m'en aurais pas. Bien. Et curieusement, et ça c'est vraiment l'hommage que je rends à ce personnage, par ailleurs très ambigu, mais fort intéressant, personnage proustien, tout à fait. Ce Paul Robert, que j'ai connu quand il était encore fort jeune, il avait moins de 40 ans, il était avocat, mais il n'avait jamais plaidé. Et il avait donc choisi cette étrange entreprise que de faire un grand dictionnaire français, puisqu'il n'y avait pas eu, et ça c'était un raisonnement qui était juste, il n'y avait pas eu depuis Littré, Émile Littré, que tout le monde devrait connaître, de dictionnaire de langue française. Il y avait évidemment les dictionnaires que tout le monde connaît qui sont encyclopédiques, et qui s'intéresse à décrire des choses beaucoup plus qu'à s'occuper de la vie des mots, qui est la chose que j'ai choisi d'illustrer. Donc, quand le dictionnaire en question a été terminé, c'était un gros dictionnaire en 6 volumes. C'est beaucoup d'années de travail. C'est beaucoup d'années de travail, mais je passe dessus parce que... C'est quoi, 20 ans de travail? C'est long, c'est 20 ans de travail, ce qui est très peu pour un dictionnaire. Le Littré a mis 35 ans à se faire, et le grand dictionnaire allemand des frères Grimm, tout le monde connaît les frères Grimm, qui sont l'auteur des contes, et qui sont par ailleurs de très grands lexicographes, inventifs par ailleurs, ça a duré 140 ans, la rédaction du dictionnaire. Donc, vous voyez que ce sont des choses pour lesquelles il ne faut pas être trop pressé. L'Académie française, c'est tous les 70 ou 80 ans qu'elle sort une édition. Bon, là, 20 ans, c'était donc rapide dans ce genre de domaine. Et alors le temps était venu pour que cette entreprise devienne rentable, puisse continuer à exister, de faire un dictionnaire qui soit plus maniable, un seul volume, mais qui ait les qualités du grand dictionnaire, tout en étant non pas un abrégé, parce que très vite ça nous est paru, je dis nous, parce que c'est effectivement une équipe de 3 personnes qui a fait ce dictionnaire, qui était à l'état de projet. On s'est dit, si on veut sortir de ce grand dictionnaire de langue française, quelque chose qui soit l'équivalent, mais en plus petit, en plus maniable, il faut tout réécrire, parce que ça n'est pas en coupant des parties qu'on va arriver à un résultat. L'exemple avait été donné malencontreusement au 19e siècle avec le dictionnaire Littré abrégé par Beaujean, qui est inutilisable parce que c'est bêtement coupé, mais ça ne peut pas être bien coupé, c'est impossible. Il faut reconcevoir, parce que tout dictionnaire, toute description qu'on veut être à peu près convenable du lexique d'une langue, demande un point de vue et demande un éclairage. Et les choix sont extrêmement difficiles, parce que la description d'une langue dans l'intégralité de ses lexiques et de ses usages, ça ne serait pas 10 volumes, ça serait 500 volumes ou 1000 volumes. Ça existe. J'ai vu à Pékin un dictionnaire chinois qui est en fait une énorme bibliothèque, et on a 2 salles remplies de bouquins qui sont chacune sur 1 caractère chinois. Donc la chose est parfaitement faisable, mais en Occident on n'est pas assez patient et on n'est pas assez organisé pour pouvoir le faire. Donc les dictionnaires français sont modestes relativement, mais pertinents tout de même un petit peu. Et là on a essayé de faire quelque chose qui soit modeste, qui soit pertinent, qui soit pédagogique, qui soit utilitaire et qu'on puisse mettre entre les mains de notre idée, c'était les profs de français, c'était peut-être des étudiants un peu exigeants pour les contenus, etc. Alors, est venu le moment de réaliser, et il se trouve que ce bouquin, et c'est l'objet de l'article du Monde, qui est signé Philippe-Jean Catinqui, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, et qui est, il se trouve que c'est un journaliste, mais il est digne, c'est un, en fait, il est historien de formation, et il travaille la matière culturelle dans le monde d'une manière, je dirais, sans méchanceté pour les autres, exceptionnellement intelligente. Donc je suis absolument ravi qu'il ait consacré cette page pour ce dictionnaire, qu'on a appelé bêtement le petit Robert, ce qui ne voulait pas dire grand-chose, mais il y avait un précédent qui commercialement avait le succès que tout le monde connaît, c'est le petit Larousse, donc il y a eu une certaine... moi j'aurais préféré un autre titre plus explicite, mais c'est la commercialisation qui l'a emporté, comme toujours, dans ces cas-là. Donc le bouquin n'en a pas souffert à l'intérieur, parce qu'il a été ce que nous avions voulu. Nous, c'était 3 personnes, Josette Redebeauve, qui est la première grande linguiste française, auteure de textes à la fois pratiques sur l'évolution de l'orthographe et très théoriques sur le métalangage, qui font réellement autorité. Henri Cottez, qui était un camarade de promotion à l'École normale supérieure de Léopold Senghor et de Georges Pompidou, lequel Georges Pompidou était resté assez amical à son égard, alors que lui le détestait pour des raisons politiques, parce qu'il avait pris les options inverses. Bon, ceci est anecdotique, mais il y a peut-être quelques traces dans le Petit Robert, puisque Michel Cournot, quand il avait fait la première critique du Petit Robert dans l'Observateur, il y a déjà fort longtemps, avait dit « enfin un dictionnaire de gauche ». Ce qui n'avait pas plu à tout le monde, parce qu'effectivement, nous n'avions pas du tout voulu faire un dictionnaire de gauche. Mais il se trouve que les options des 3 Lustucrus qui avaient fabriqué ce bouquin étaient plutôt dans cette orientation-là, que évidemment que les citations, c'était plutôt, je dirais, Jean Genet que Maurras, enfin, vous voyez le genre, c'était pas tout à fait ce qu'on appelle, disons, la tradition dans ce domaine. Le bouquin a exceptionnellement bien marché. Je l'avais dit à Catinqui, je ne sais pas s'il le rappelle, mais quand nous l'avions fait, nous avions pensé environ 20 ou 30 000 exemplaires. C'était une prévision raisonnable. Et tout de suite, le livre a pris, et pour une raison très précise, et pour laquelle nous avons beaucoup de reconnaissance, ce sont les profs de français du secondaire et du supérieur. Et les profs de français du secondaire, c'est déjà un petit peuple, c'est déjà pas mal de gens. Et ils ont des étudiants et des élèves avancés dans les classes terminales qui sont encore plus nombreux. Donc, presque sans le vouloir et sans l'avoir prévu, on s'est trouvé devant un dictionnaire qui était dans toutes les librairies parisiennes les plus chics, alors qu'on pensait que ça aurait une diffusion discrète. Donc, le bouquin ayant si bien marché, ça a permis de, disons, de faire rentrer suffisamment d'argent pour l'entretenir, et je ferai remarquer que c'est à peu près, à ma connaissance, le seul dictionnaire de langue, que ce soit en français ou dans d'autres langues, qui est entretenu comme si c'était une encyclopédie. C'est-à-dire que dès qu'il y a un mot nouveau, il est introduit, dès qu'il y a un sens nouveau, il est noté, dès qu'il y a une expression nouvelle, quand elle est suffisamment répandue, elle est incluse. Et dès qu'il y a une avance de connaissances en matière d'étymologie ou de datation, c'est inclus dans le bouquin. Chose qui est normale pour une encyclopédie, parce qu'on est bien obligé de mettre à jour, mais qui est très rare en matière de dictionnaire de langue. Voilà un peu l'histoire très résumée de ce petit dictionnaire qui continue à vivre, ce qui est quand même une qualité exceptionnelle à une époque où l'informatique est en train de tuer tous les dictionnaires sur papier. Et c'est un pôle de résistance, le petit Larousse en est un autre d'ailleurs, il faut être objectif, mais qui est plutôt orienté, comme je le disais tout à l'heure, sur la description des objets, sur la terminologie scientifique et technique, et sur les nouveautés dans ce domaine, s'intéressant beaucoup moins aux nouveautés que sont le langage des banlieues, que sont le langage des jeunes, que sont les nouvelles expressions, plus ou moins drôles, et on en trouve tous les jours, qui effectivement ne sont pas dans le dictionnaire. Et nous passons, Daniel Morvan et moi, une partie de notre vie à noter des choses qu'on entend à la radio ou qu'on lit dans les journaux. Et il y a un service de documentation au dictionnaire Le Robert qui réunit énormément de matériaux parmi lesquels on est obligé de faire un choix. Parce qu'imaginez qu'il y a au moins 10 000 mots nouveaux tous les ans qui apparaissent. Mots ou termes techniques, bien sûr. Mais on est obligé de choisir là-dedans parce que souvent, ce sont des mots qui sont propres à une communauté assez étroite, alors que nous voulons donner une image de la langue qui soit compatible avec un usage assez généralisé, mais pas totalement généralisé. Je vous donne un seul exemple. Les régionalismes français dans les dictionnaires de langue française étaient à peu près absents, sauf accident. Or, un régionalisme utilisé dans toute la Bretagne ou dans toute l'Occitanie mérite évidemment de figurer aussi bien qu'un mot qui n'est utilisé qu'à Paris. Donc, ça demande une ouverture de la description, et je pense que le petit Robert a été le premier à le faire. Et en fait, le grand Robert, que j'ai réalisé après la mort de Paul Robert, est un peu le fils du petit Robert. Ça paraît le contraire, mais c'est comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire que c'est le petit Robert qui a donné la bonne méthode, l'homogénéité, et la volonté de filtrer, de choisir, mais jamais de manière aléatoire, de manière aussi raisonnable et aussi objective que possible. Donc c'est une histoire, bien sûr, qui me tient à cœur, puisque j'y suis depuis le début. Là, il y avait trois protagonistes, et la suite a été fort différente, puisque j'ai fait un dictionnaire historique de la langue française, qui est un objet très nouveau dans l'histoire des dictionnaires, et que j'ai fait parce que j'aurais voulu avoir l'équivalent pour l'anglais, pour l'espagnol, pour l'italien, qui n'existe pas, et qui continue à ne pas exister. Donc j'ai fait une sorte d'histoire racontée, plutôt que j'ai abandonné le style télégraphique des dictionnaires pour faire une histoire racontée. Et puis une autre création à laquelle je suis très attaché, c'est une notion assez nouvelle, entre l'encyclopédie et le dictionnaire de langue, que j'ai appelé le dictionnaire culturel en langue française, et pas de la langue française. Donc c'est un dictionnaire qui est à la fois une description des possibilités expressives de notre langue, mais aussi de tout ce à quoi cette langue peut ouvrir en matière de connaissances humanistes et anthropologiques générales. Donc là, je rejoins évidemment les savoirs de quelqu'un comme Michel Pastoureau, dont je me suis pas mal servi, et dans le dictionnaire culturel en langue française, dont vous avez ici le co-auteur, qui n'est autre que Daniel Morvan, il y a 1500 environ, elle sait ça beaucoup mieux que moi, encadré culturel, qui recourt à des citations en traduction, parce que j'avais été frappé de voir que dans les dictionnaires français, Il y avait bien les grands auteurs français, mais il n'y avait pas du tout des auteurs que tout le monde connaît et que tout le monde lit en traduction. Pourquoi un dictionnaire français fait l'économie de Goethe, de Shakespeare, de Cervantes? C'est absolument illogique et amoral, je dirais. Donc voilà, on a un dictionnaire, enfin, qui est ouvert aux autres cultures, aux autres littératures, aux autres langues, et qui essaye de faire le pont entre les connaissances vues par la langue française, qui est capable, ne serait-ce que parce qu'elle est parlée, elle est parlée sur les 5 continents, et il est évident que des œuvres, comme des œuvres de certains poètes africains, Léopold Senghor, Amadou Ampateba, ou les auteurs des Caraïbes, apportent des contenus culturels qui ne sont pas du tout français, en langue française, et souvent dans une langue qui est plus excellente esthétiquement que la plupart de celles que nous employons nous-mêmes. Voilà donc un peu le parcours, les options, les intentions et leur réalisation, toujours insuffisante, toujours partielle, toujours frustrante, mais un peu meilleure que le stade précédent. Thank you.